courage avait un visage, il aurait le tien. Pas besoin de grand chose, mais de toi j'ai besoin. Je sais pas si je crois en Dieu, mais en toi je crois bien. Et pourquoi serait-il masculin? Pardonne-moi, on n'est pas misogyne, on le devient. Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte, même si la charge mentale, on sait bien qui la porte. Et si être féministe est devenu à la mode, c'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. Toujours obligé d'aimer enfanter. Toujours obligé d'aimer enfanter. La contraception qui te détruit la santé. La santé, la santé, la santé. Endométriose enchantée. Endométriose. Je suis mieux payé que toi sans vouloir me vanter. Me vanter, me vanter. Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte, même si la charge mentale, on sait bien qui la porte. Et si être féministe est devenu à la mode, c'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange.